Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en ce samedi soir. Ah c'est cool, c'est le week-end, donc on est au mois de mai, les beaux jours arrivent et c'est super. Donc, notre première rubrique, c'est tout de suite la découverte du jour avec le groupe Plush et son titre Free and Easy, paru en 1982. Alors le trio, bah, il s'est pas trop foulé, il va sortir qu'un seul album nommé Plush. J'ai pas trouvé grand chose de plus à vous dire parce que, bah, forcément, un one shot, y a pas grand chose à dire. Je résiste pas à l'envie quand même de vous passer ce titre. Allez, c'est parti! Give me the love, you can do it. I want it. On va faire une double dose revisitée. Deux titres, I Am What I Am. Le premier interprété par Gloria Gaynor. Les paroles évoquent sa volonté de se démarquer et d'être acceptée telle qu'elle est. Tout un programme. Ce titre, il va figurer sur l'album sorti en 1984, intitulé I Am Gloria Gaynor. Le second, c'est un titre interprété par les Village People. Alors, il est extrait de l'album Macho Man, sorti en 1978. Le titre, il va sortir en 45 tours et figurera, alors toujours selon certains, dans le top 5 de leurs meilleurs titres. Alors, on peut avoir le même titre, mais pas du tout la même saveur. C'est ce que vous allez découvrir maintenant. I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say Dr Biscou et Mr Funk sur Fadjet. Pour le maxi, on va s'écouter Michael Jackson. En 1978, lors du tournage du film américain The Wiz, dans lequel il joue l'épouvantail, Michael Jackson va rencontrer pour la première fois Quincy Jones. C'est le directeur musical du film. Les deux hommes vont sympathiser, vont devenir amis, à tel point que Quincy Jones va lui proposer son aide pour son premier album solo. La mélodie de Don't Stop Still Got Enough vient à Michael Jackson en 1978, alors qu'il se trouve dans la résidence familiale des Jackson, dans un quartier de Los Angeles en Californie. Une fois cet air bien en tête, Michael demande à son jeune frère Randy de le jouer sur un piano dans le studio d'enregistrement familial. Alors, Michael va donner une cassette de cet enregistrement à Quincy Jones. Alors, les bruits de bouteilles en verre de soda sur lesquels on tape au début de la chanson sont effectués par Michael, sa sœur Janet et son frère Randy. Alors, lorsque la mère de Michael, Catherine, qui est une fervente témoin de Jéhovah, entend cette chanson pour la première fois, elle est choquée par le fait qu'elle peut être interprétée comme se rapportant à un rapport sexuel. Michael va lui répondre qu'il ne l'a pas écrite dans cette intention et que les paroles peuvent signifier tout et son contraire. Le 45 tours, il va paraître en 1979 et ça sera le premier single issu de Off the Wall, sorti en 1979 aussi. Quelques jours plus tard, le claviériste américain Greg Fillingham affirme dans la presse être le co-compositeur de ce morceau. Sauf que là, il y a un souci, la justice va être saisie par les avocats de Michael Jackson, qui lui, bien sûr, va dire le contraire. Les conseils obtiennent même l'éviction de Greg Fillingham en qualité de co-compositeur, en invoquant le fait que Michael Jackson avait fait appel à lui seulement pour les arrangements de Don't Stop Still Got Enough. Alors Michael Jackson, dans sa grande bonté, ne va pas lui en tenir rigueur, puisque par la suite, ils vont continuer à travailler ensemble sur d'autres titres. Alors, selon certains, la force qu'évoque Michael Jackson dans cette chanson serait une référence au film Star Wars sorti un an auparavant, en 1977. Michael Jackson, il est très fan de Star Wars. Alors avec Don't Stop Still Got Enough, Michael Jackson va remporter son premier Grammy Award. C'est parti. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like it. Don't stop till you get enough. Keep on with the force. Don't stop till you get enough. la pépite, je vous l'avais promis, Shine de Charlie Eddy. Sorti en 1993, ça sera le second numéro 1 du groupe. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Will I Lie to You? Eh ben, c'est pas du tout pareil. Bonne dégustation. Just On va se quitter sur ces bonnes paroles. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à samedi prochain sur Fadjet, même heure, même endroit. Bye bye.